À suivre sur France Inter, il est là avec nous, Vincent Josse et sa récré musicale. Bonjour Vincent. Bonjour Fabrice. Quel est le programme aujourd'hui? On va se souvenir de Rostropovitch, le grand Rostro, le grand Slava, comme on l'appelait, comme ses admirateurs l'appelaient, parce qu'il aurait 90 ans cette année, et il y a une très riche actualité discographique, et nous avons la chance de recevoir l'une de ses filles, Elena Rostropovitch. Bienvenue à elle, à tout à l'heure Vincent.